mes bails parmi les doutes de la vie. Bouge de la goutte, de la boum, je navigue. Entre ces schlags et je trace ma route, je ravive toute ma fougue shoot, mais joue pas la coupe de la ligue. Je sors des sons, j'ai pas la cote à 20 000. Ouvre un captain, je le noie dans du coca vanille. Je suis pas le pote à Marine, je donne pas ma rime, parle pas de coke, ma narine. Reste au top, badabim, boum. Les blèmes sous forme de carabine, couze. C'est ça la vie, j'ai pas l'habitude de me faire battre par la big loose. Avec le rap, je suis comme John Terry et ta femme. Je pense qu'il y a à prendre un microphone terrible et le cafard. Se mêle à nos délires, demande à Apollo Will. Ce bail c'est Apollo 8, je me taille, c'est bien tous nos rimes. Qui remplaceront le psychologue, le psychologue. Là, je m'en branle, le psychologue. Je publie comment nos titres on pose grave. Viser la place pour attiser la flamme. On n'a pas fermé nos gueules afin d'y voir plus clair. Laissez de la place où je vais partir et basta. Façon, j'appartiens à personne comme un sac du père. Viser la glace pour attiser la flamme. On n'a pas fermé nos gueules afin d'y voir plus clair. Laissez de la place où je vais partir et basta. Façon, j'appartiens à personne comme un sac du père. Il faut de la puissance, pourtant j'ai pas des bras d'acier. J'avais mal pris la distance, mais là je m'écarte assez. J'attends la fin, même si j'étais mal démarrage. On va effacer la page au gars qui déballe des rap à chier. Maintenant je vide ma tête et je pense à m'assagir. On est que des passagers car dans la ville les gens disparaissent. Je suis anti-vache mec et je suis le protocole. Même si j'ai beaucoup de potes, je ferai jamais de texte rempli de casse d'aide. Ici les tasses perdent et les plus vaillants gagnent. Me parle pas d'AK-47 car je fraille le vécu de ma campagne. T'es vêtu d'argent sale, c'est pas grave, j'accepte. Y'a des blessés par terre, les plus têtus partent en cas. J'ai vu des trucs ardents bad, des choses que t'aimerais pas voir. De quoi dégoûter comme si Laurie Neal perdait sa voix. Je suis pas le premier parti ni le dernier de la classe. Pourquoi avancer, c'est déjà assez dur de garder sa place. Viser la classe pour attiser la flamme. On n'a pas fermé nos gueules afin d'y voir plus clair. Laissez de la place où je vais partir et basta. Façon, j'appartiens à personne comme un sac du père. Viser la glace pour attiser la flamme. On n'a pas fermé nos gueules afin d'y voir plus clair. Laissez de la place où je vais partir et basta. Façon, j'appartiens à personne comme un sac du père. Je me détruis comme c'est pas permis. J'adore, rappelle-moi Fermine. Je galère à faire mine d'apparaître clean comme Terminator. Je brave les interdits, je décore mal comme une croix gammée sur cette synagogue. Pour 16 rimes, je persiste la scène, si vous plaît, esprit, je m'excite. Quand j'apprécie la prod, pas besoin de faire style ou de prestige, juste être riff car j'estime pour l'alcool. J'ai l'appétit d'un ocre, j'ai des hawkers. Bill William et Johnny Walker ont pris le virage, aidé le docteur. Après dire ma mort, je me révolte. 6 minables sur 6 milliards d'hommes, seul je m'assimile à un polter. Guys qui hésite à mordre, je suis mal vu, comme si j'avais pris de la drogue immature. Dans ma vie d'adulte, j'ai pas saisi l'approche, trop de ça. Le but auquel départ résiste s'accroche. Quand cause assume, faut que t'assures que c'est pas le récit d'un autre. Viser la glace pour attiser la flamme. On n'a pas fermé nos gueules afin d'y voir plus clair. Laissez de la place où je vais partir et basta. Façon, j'appartiens à personne comme un sac du père. Viser la glace pour attiser la flamme. On n'a pas fermé nos gueules afin d'y voir plus clair. Laissez de la place où je vais partir et basta. Façon, j'appartiens à personne comme un sac du père.